On va parler des Jeux du Québec qui se déroulent actuellement à Montréal. 8 médailles hier pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que c'est une surprise? On va en parler avec le chef de mission Alexandre Delmas. Salut Alexandre. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. 8 médailles. Ben, William Altapilote, on le savait, qu'il va lever bonne chance. Mais dans les huit, est-ce qu'il y en a là-dedans qui n'étaient pas attendus du tout, là? Faut dire qu'effectivement, 8 médailles au total, 6 en cyclisme, 2 Ouais. les paranatations, c'est vraiment une belle récolte. C'est sûr que Adèle Normand, avec ses 2 médailles hier, et l'athlète qui a eu le plus de médailles dans sa journée, elle a remporté l'or au contre-la-montre féminine. Et également, Adèle a remporté le bronze au sprint, toujours dans la catégorie minime. Sa sœur Florence a gagné l'argent au sprint minime. Ouais, donc, OK. Et William, notre porte-drapeau au sprint d'ouverture, William Mazépilote, remporté l'or au niveau du cadet au contre-la-montre. OK. Donc, mais là-dedans, il y en a-tu qui était pas attendu du tout, là? Ben, on savait déjà là, que, exemple, Catherine Laberge avait déjà gagné une médaille au niveau de la paranatation en 2014. Catherine a gagné une médaille de bronze cette année à Montréal en 2016. Léane Julien, qui est en première Ouais. expérience au Jeux du Québec, a remporté l'argent au niveau de 50 mètres libres dans le paranatation également. Donc oui, c'est une belle surprise là, pour nos athlètes. OK. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, il en reste, ils sont pas officiels encore, il y en aurait deux, c'est ça? Pour l'instant, oui, aujourd'hui, nous aurions gagné 2 médailles en cyclisme. Elles sont non officielles, donc on va attendre avant là, OK. de nommer les athlètes qui auraient remporté dans quelle catégorie. Par contre, au niveau de ce qui est terminé, l'équipe de soccer masculin a remporté son match 2-0, le deuxième match du tournoi. Donc c'est une belle performance pour notre équipe masculine. Et je voudrais parler également de notre performance là, en triathlon. Le combiné là, de nos athlètes ce matin, en fait, nous permet là, de placer quatrième provisoirement là, au total des régions. Même si l'équipe n'a pas complété le podium, elles ont bien performé. Là, en tête de liste, là, Catherine Chouinard qui a terminé septième chez les 12-15 ans. Donc, c'est une belle performance de l'ensemble de l'équipe de triathlon. Les entraîneurs étaient forts de leur performance. OK. Donc, à l'actuel, avec les 8 médailles, j'ai pas été voir le tableau des médailles, j'aurais dû y aller. Est-ce que vous êtes quand même dans le premier tiers jusqu'à maintenant? 8 médailles, c'est commencé à Lyon, là. Vous l'avez vu, on a commencé très fort. Là, après la première journée de compétition, on parle du top 10 quoi, des régions. OK. Il faut comprendre qu'il reste encore beaucoup Ben d'épreuves, oui. beaucoup de médailles de disponibles. Mais oui, le cyclisme a fait très fort à sa première journée de compétition. OK. Ben Alexandre, on s'en parle demain, même au même poste. Ça va me faire plaisir. Alexandre Lallement, en direct de Montréal pour les Jeux du Québec.